petit charognard se nourrit des restes dont aucun autre animal ne veut. Les nouvelles générations ne s'adaptent pas assez vite pour résister à famine. Thank you. faim, j'ai pas de moyens et je vois à côté qu'il y a de la nourriture, je vais me précipiter dessus. C'est-à-dire, de toute façon, moi, j'ai rien à perdre. C'est-à-dire, si je mange pas, je vais mourir. Ben, je vais essayer de manger. Et peut-être qu'une chance sur deux, je vais pas mourir. C'est-à-dire, on va pas m'attaquer parce que j'ai pris la nourriture.